Marie-Claire Cazenèze. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue dans ce journal de la soirée, le dernier de ce dimanche et du mois de mars. D'abord les grandes lignes. Un montant de plus de 25 millions de nos francs destinés aux élections de 2020 a été détourné dans les 5 communes de la province Lomongue. Le gouverneur de cette province rassure que cette contribution de la population aux élections sera recouvrée bientôt. Un délai d'une semaine a été accordé au personnel de la régie des eaux par le ministre de l'eau, énergie et mines afin de restructurer le travail. C'est après que comme Manila Kidza ait remarqué que cette société connaît des difficultés financières dues à un comportement qu'il a qualifié d'indigne. Et en éducation, nous sommes en province Muyinga. Un certain pourcentage des budgets peut être affecté au secteur de l'éducation, comme le demande le directeur provincial de l'enseignement dans cette province, puisque les bonnes conditions d'apprentissage sont insuffisantes, bien que la dite province occupe les meilleures places dans les évaluations nationales. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal mis en onde par Elie Kadog. Rebonsoir. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page économie pour débuter ce journal. La régie des eaux connaît aujourd'hui des difficultés financières dues à un comportement qualifié d'indigne par le ministre burundais de l'eau, énergie et mines. C'était vendredi de cette semaine, lors d'une assemblée générale du personnel de la régie des eaux. Le ministre Kome Manilakiza a précisé qu'il y a des tricheries dans cette société de distribution de l'eau et d'électricité. Il y parle entre autres des stocks morts et des devis surfacturés. Le ministre Manilakiza donne un délai d'une semaine à la direction de la régie des eaux pour restructurer le travail. Suivez-le. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la radio nationale. On voit qu'il y a des difficultés, que la régie des eaux traverse des difficultés financières. Ces difficultés sont dues essentiellement à un comportement indigne de certains membres du personnel de la régie des eaux. Ici, nous avons montré exactement certains cas parce que nous sommes, nous tous, avant que nous soyons ce que nous sommes tous des clients de la régie des eaux. C'est-à-dire que le travail qui est mal fait au niveau de la régie des eaux, comment la régie des eaux rend ses services, nous devons le savoir. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de tricherie au niveau de la régie des eaux. Vous trouvez aujourd'hui des sociétés qui sont classées dans la catégorie ménage, alors que ce sont des sociétés industrielles qui devaient normalement être dans la catégorie des industries. Par contre, il y a certains ménages qu'on classe dans la catégorie industrielle, alors qu'ils devaient être classés dans la catégorie ménage. On remarque aujourd'hui des surfacturations. Quand on demande au service de la régie des eaux de pouvoir établir certains défis, ils n'hésitent pas de surfacturer parce qu'ils savent très bien que lors de l'exécution de tel ou tel projet, il y aura beaucoup de matériel qui ne pourra pas être utilisé, mais ce matériel ne pourra pas retourner dans les stocks de la régie des eaux. Aujourd'hui, on a des problèmes de recouvrement. Pourquoi ? Parce que d'abord, quelquefois, les mêmes techniciens de la régie des eaux ont le droit de pouvoir bloquer les compteurs. Les compteurs qui normalement fonctionnent, à un certain moment, pour certains, justement, le compteur ne fonctionne pas. Autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit au niveau de la régie des eaux des stocks communément appelés des stocks morts. Je vous dirais que dans les stocks de la régie des eaux, on parlait d'un stock mort d'environ de plus de 13 milliards de francs. C'est-à-dire que ce sont des stocks du matériel de la régie des eaux, mais non utilisables. Imaginez un stock du matériel, un matériel neuf, mais qui n'est pas utilisable, qui a été commandé conformément au dossier d'appel d'offres, mais avec, la complicité de certains agents de la régie des eaux. Ces stocks suivent les procédures normales de commande et de réception jusqu'à ce que ces stocks soient évidemment mis dans les différents stocks de la régie des eaux, sous matériel. Au niveau de la régie des eaux, pas de réaction. Aujourd'hui, on remarque qu'au niveau de la régie des eaux, des gens qui trichent jusqu'au niveau des commissions, les commissions d'analyse des eaux. Plus de 25 millions de francs burundais destinés aux élections de 2020 ont été détournés dans les 5 communes de la province Lomongue, précise le gouverneur de la dite province, Juvenal Bigirimana. Tranquillise ses sujets, rassure que ce montant sera recouvré au plus tard mercredi de la semaine qui s'annonce. Cette autorité rappelle que quiconque touche sur les contributions aux élections ouvre la boîte de Pandore. Suivez-le au téléphone avec Mireille Kanyang. On a créé une commission en charge de suivi pour vérifier tous les bordereaux de versement. C'est à ce moment qu'on a découvert qu'il y a eu le détournement dans toutes les communes, les 5 communes qui composent la province de Rumonge. Et c'était lundi, le 25, où on a trouvé que dans toutes les communes, il y a le détournement de 25 938 900 francs. Et en voyant cela, on a procédé d'abord à donner des conseils, même la Bible le dit qu'il faut conseiller. Et deuxième fois, donner le conseil. Et troisième fois, on va passer au recouvrement forcé. C'est ce qui a été fait alors. On a procédé à ce recouvrement forcé. Actuellement, je peux dire à tout le monde que on ne peut en aucun cas tolérer le détournement de toutes sortes de l'argent, de la contribution de la population pour les élections. En ce moment, je peux rassurer la population que le recouvrement a été fait et maintenant, dans toutes les communes, dans la commune de Burambi, Buyengero, Muhuta, toute la somme a été déjà recouvrée. Et puis, dans la commune de Rumonge et la commune de Bugarama, il ne reste que des procédures bancaires. Sinon, mercredi, on aura déjà tous les bordereaux de versement de toute la somme qui était déjà détournée par ces gens. C'est ça la situation actuelle. Je le répète encore. Que la population de Rumonge soit tranquille, la somme qu'elle a cotisée n'a pas été détournée et restée dans les mains de ces gens. La somme a été recouvrée. Actuellement, c'est ça la situation que nous avons maintenant. Le gouverneur de la province Rumonge dit cela après l'arrestation du secrétaire provincial de Rumonge, accusé de détournement de plus de 15 millions pour les élections. Les jeunes diplômés sans emploi sont appelés de changer leur mentalité afin d'exercer différents métiers sans entendre le travail bureaucratique. Appel lancé ce samedi par le président de l'Association des jeunes pour le développement durable lors d'une réunion d'évaluer ensemble les stratégies de lutter contre le chômage chez les jeunes détenteur des diplômes. Fabrice Kaburugutu demande au gouvernement d'appuyer toujours les projets des associations des jeunes. Suivez-le. L'objectif de cette conférence était de conscientiser les jeunes sur comment favoriser le développement à travers les jeunes leaders au Burundi. C'était juste une série pour que la jeunesse puisse comprendre ce thème, c'est favoriser le développement à travers les jeunes leaders. Et quelle est la valeur ajoutée de cette conférence pour la jeunesse? La valeur ajoutée pour cette jeunesse, c'est qu'ils vont bénéficier de notre parrainage afin d'arriver à s'auto-employer. Aujourd'hui, nous sommes dans le changement de mentalité. Des fois, il y a des jeunes qui ne savent pas comment ou commencer ou aller. Là, nous les donnons de l'expérience déjà pour savoir comment ils puissent organiser et créer leurs propres emplois. Et comment votre association collabore avec le gouvernement? La collaboration avec le gouvernement est très bonne. Le gouvernement reconnaît les activités que nous organisons. Chaque fois, nous les mettons des rapports. Et quels sont les défis auxquels vous rencontrez au sein de votre association? Le défi est que des fois, il y a des autorités qui négligent la tranche d'âge. Souvent, nous sommes méprisés avec notre tranche d'âge. Normalement, il y en a pas mal des autorités qui connaissent déjà que ce sont eux qui vont tout faire. Mais aussi, nous, la jeunesse, nous pouvons. Ce que nous demandons, la place du gouvernement est incontournable. Surtout pour investir, financer. Nous incitons l'État en particulier d'encourager les jeunes qui s'investissent pour l'autodéveloppement. Et quel appel pouvez-vous lancer à la jeunesse qui a des talents mais qui ne veut pas s'impliquer dans l'entrepreneuriat? Ce que je veux conseiller à ce genre de jeunes, ils doivent développer leur talent. Changer de mentalité et puis s'orienter vers le développement. Quittons Bujumbura, capitale économique, vers la province Rumonge. Les habitants du quartier Mugomere de la ville de Rumonge se disent inquiétés par des ravins qui menacent leur maison et demandent à l'administration d'agir avant qu'il ne soit tard. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit que l'aménagement de ces ravins figure parmi les travaux connexes de la réhabilitation de la route Bujumbura-Rumonge. Jean-Pierre Misago. Il s'agit là des inquiétudes de Fidélité à Tungimana, une habitante du quartier Mugomere menacée par le ravinement qui prend de l'ampleur. Cette femme dit craindre de se retrouver un matin emportée dans ces ravins qui s'élargissent après chaque pluie. De son côté, André Manirakiza, habitant à près de 2 mètres d'un ravin, a peur de glisser dedans avec toute sa famille et demande au gouvernement burundais d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Mathias Manirakiza, chef de secteur Mugomere, dit avoir informé l'autorité communale et demande lui aussi une intervention rapide et avec de gros moyens, car selon lui, à l'état actuel des faits, le travail manuel ne peut rien sauver. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit que la Banque africaine pour le développement a inscrit l'aménagement de ces ravins dans les travaux connexes lors de la prochaine réhabilitation de la route nationale numéro 3 reliant Rumonge à Bujumbura. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. 18h12 minutes sur Isanganiro, page éducation à présent. Le directeur provincial de l'enseignement en province Muyinga demande au conseil des communes d'affecter un certain pourcentage des budgets au secteur de l'éducation. Bien que la province occupe les meilleures places lors des évaluations nationales, les salles de classe avec de bonnes conditions d'apprentissage sont insuffisantes, avec par endroits des écoliers qui s'assoient sur des pierres. Reportage de Dieudonné Nzeiman. Les responsables des communes se retirent petit à petit du secteur de l'éducation alors que leur intervention reste nécessaire vu les conditions d'apprentissage des élèves. Ce constat est de Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement à Muyinga. Les classes sont mal construites. De classes pour les 5 premières années. C'est construit avec du bois et des roseaux. Pitoyable. Il n'y a pas de bancs pipi. Ailleurs, des classes n'ont ni porte ni fenêtre. Quand la pluie tombe, on stoppe les enseignements. S'il est vrai que les communes ont construit des salles de classe, les besoins restent exprimés vu l'effectif est croissant des enfants. Sur les 500 millions de francs destinés au développement des communes, un pourcentage devrait être réservé au secteur de l'éducation. Le directeur de l'enseignement à Muyinga a exprimé cette doléance lors d'une réunion avec tous les administrateurs des communes au courant de la semaine. Les administrateurs qui annonçaient qu'avec les 500 millions, les animaux domestiques et engrais ont été distribués aux agro-éleveurs et des bâtiments comme des salles de conférence construits. De Muyinga, Dieudonné Nzeiman, Radio Isanganiro. Agriculture, la production du maïs a été bonne en province Gozi au cours de la saison culturelle B dernière. Preuve, selon le responsable d'ONG à Korangozi, le prix d'un kilo des graines de maïs qui a fortement chuté, passant de 1000 francs bou il y a 2 ans à 400 francs bou actuellement. Ingénieur Tade Manilakiza de l'Accor, un organe partenaire du Prodéfi, parle des efforts conjugués entre le BPAE, l'administration et les autres intervenants dans le secteur agro. Pastoral. Société, certains rapatriés de la zone Muyang et commune Nyanzalak et de la province Makamba se plaignent pour le fait que les résidents leur adressent des paroles d'injure, les rappelant qu'ils étaient réfugiés. Les rapatriés disent qu'une partie de l'assistance qui leur est destinée est reçue par les résidents. Le vice du chef collinaire Muyang nie en bloc ces accusations. Toutefois, il ajoute que des cas d'échange des paroles d'injure ne peuvent ne pas arriver. L'administration provinciale interpelle à tout rapatrié qui sera adressé une parole d'injure par un résident de se confier aux administratifs de sa localité. Elle met en garde tout résident qui sera coupable de ce mauvais comportement sera puni suivant la loi. Jérôme Hakiziman. Ces rapatriés indiquent qu'ils sont choqués par les paroles d'injures qui leur sont adressées par certains des résidents. Les voisins ou les résidents nous agressent en nous disant « Qu'est-ce que vous étiez allé faire au refuge? Pourquoi n'aviez-vous pas resté ici ?» Ainsi, ça nous choque jusqu'au fond de nos cœurs alors que nous sommes rentrés dans notre pays natal. En plus de ces paroles d'injure, les rappelant qu'ils s'étaient réfugiés, ils déplorent que même l'assistance qui leur est destinée, rarement qu'elle se présente, sa grande partie est souvent reçue par les résidents. Même celle qui se présente, nos chefs la détournent en faveur des résidents. Il demande aux associations qui concèdent cette assistance d'offrir l'inscription eux-mêmes sur terrain. Pour le cas prochain, nous aimerions que vous fassiez l'inscription vous-même, soit nous rencontrer chez nous ou au chef-lieu de la colline avec nos fiches de rapatriement. Nyandwi Nestor, vice-chef collinaire Muyange, refuse catégoriquement que l'assistance destinée aux réfugiés est détournée en faveur des résidents. Il y a des associations qui appuient les familles les plus vulnérables, les veuves, les albinos et autres. Alors, dans ce cas, ils se disent que leur assistance est détournée. Pourtant, concernant l'échange des paroles d'injures, il affirme que cela arrive quelquefois, mais qu'ils interviennent directement en tant qu'administration à la base et maîtrisent la situation dans les meilleurs délais via les conseils. Le gouverneur Gad Niukuri met en garde tout résident qui aurait ce mauvais comportement, qu'une fois coupable, il sera puni conformément à la loi. Il sera obligé de nous dire son objectif s'il ne veut pas que ses rapatriés retournent en refuge afin qu'ils s'approprient leurs biens. Donc, celui qui aurait son mauvais comportement, je lui conseillerais de l'éradiquer, sinon il sera puni d'une façon exemplaire. Néanmoins, il interpelle à tout rapatrié qui, une fois lui adressé des paroles d'injure qui lui portent atteinte, de se confier à l'autorité locale dans les meilleurs délais pour éviter les montages ou les cas mensongers. Depuis Makamba, Jérôme Akizimana, Radio Isanganiro. Une nouvelle, en bref, pour clôturer ce journal, le manque de moyens financiers des infrastructures sportives adaptées à l'athlétisme sont certains des défis qui hantent l'athlétisme au Burundi. Sylvain Sengion, le directeur technique national au sein de la Fédération nationale de l'athlétisme, l'a dit ce dimanche lors des finales régionales de l'athlétisme. Il demande à l'État de prêter main forte à cette discipline pour préparer les athlètes burundais aux compétitions internationales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadog pour sa collaboration technique. Bonne soirée à tout le monde.